derrière l'histoire. Pas d'histoire à te faire croire et pas de passé à faire valoir. Aucun récit qui me précède. Depuis l'anonymat confortable de ma vie que je trouve minable, je t'observe, tu m'obsèdes. Assis au pied de ton étal où ce marchand de tes exploits, je me bâtis une vie bancale pleine de rêves à l'ombre des croix de tes choix. Derrière l'histoire, ta vie gâchée. Derrière l'histoire, ton cœur sacrifié. Derrière l'histoire, des fleurs fanées. Derrière l'histoire. Derrière l'histoire. Et dans la caste de tes pères, les faits sont rois, les mots sans faire. Dans des légendes artificielles, aucun sourire, pas un frisson n'allume au soir vos allusions à des futurs éternels. Mais que retiendrons-nous de vous qui trônez sur un piédestal, nous contemplant, nous pauvres fous, fragile mémoire. De cristal, derrière l'histoire, ta vie gâchée. Derrière l'histoire, ton cœur sacrifié. Derrière l'histoire, des fleurs fanées. Derrière l'histoire, derrière l'histoire. Votre histoire est pleine d'anonymes qui veulent joindre la pantomime. Chevalier seul en mal de cause qui s'offriront pour pas grand chose, pas grand chose. Derrière l'histoire, ta vie gâchée. Derrière l'histoire, ton cœur sacrifié. Derrière l'histoire, des fleurs fanées. Derrière l'histoire. Derrière l'histoire. Derrière l'histoire, ta vie gâchée. Derrière l'histoire, ton cœur sacrifié. Derrière l'histoire, des fleurs fanées. Derrière l'histoire. Derrière l'histoire.